Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Athanase David, ministre de la Culture avant la lettre. Madame Hélène Derion, recevez ce prix Athanase David pour la richesse et la cohérence de votre œuvre qui ajoute de la beauté au paysage littéraire québécois. Merci, madame, pour votre plume. La ministre québécoise de la Culture, Nathalie Roy, le 6 novembre 2019. Chaque année, le prix Athanase David est remis à un écrivain ou à une écrivaine en reconnaissance de sa contribution à la littérature québécoise. Ce prix, d'abord créé en 1922 à la demande d'Athanase David, porte son nom depuis les années 70. Athanase David est souvent considéré comme le premier ministre québécois de la Culture avant même que ne soit créé le ministère de la Culture en bonne et due forme. On lui doit entre autres la création de ce prix littéraire, mais aussi la création des Écoles des beaux-arts de Montréal et de Québec, du Musée national des beaux-arts, de la Commission des monuments historiques et des Archives nationales, entre autres choses. C'est ce riche héritage qu'il nous laisse qui a d'ailleurs inspiré à l'historien et sociologue Fernand Harvey cette fameuse formule de ministre de la Culture avant la lettre. David est un francophile bien affiché. D'ailleurs, il va être chevalier de la Légion d'honneur et tout. Il va souvent en France. Et pour lui, la France, c'est une espèce de modèle pour, on pourrait dire, la mise à niveau des compétences. Mais il a toujours aussi à l'esprit qu'il ne s'agit pas uniquement de copier les Français. Il faut créer ici des compétences. Il faut aussi créer, par exemple, un art canadien, mais tout en s'inspirant de nos traditions françaises pour éviter l'assimilation là, qui nous menace à l'époque. Donc, pour lui, l'État a un rôle très grand à jouer dans le domaine culturel. Oui, c'est sans doute, je pense, le premier au Québec qui a affiché avec autant de clarté l'importance du rôle de l'État. Il va dire, par exemple, dans une société pauvre comme le Québec, où on n'a pas de bourgeoisie riche, il faut utiliser l'État comme instrument pour encourager ceux qui sont les plus méritants, soit par des prix qu'il va créer, soit par des bourses, soit par des institutions, musées, etc., pour faire en sorte que le peuple, comme il dit, découvre le beau, que les artistes puissent s'exprimer et qu'on crée ensemble une culture canadienne-française, comme on le disait à l'époque. L'historien Fernand Harvey, au micro de Jacques Lacour à l'émission « J'ai souvenir encore » en 2004, pour nous parler de l'immense héritage politique que nous laisse Athanase David, je reçois Jonathan Livernois, qui est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Jonathan Livernois, il appartient, Athanase David, il faut le dire tout de suite, à une famille où on était politicien de père en fils. Commençons par là. Parlez-moi un peu de ce milieu auquel il appartient et où est-ce qu'il se situe dans cette manière de dynastie politique. En tout cas, à quelle famille il appartient politiquement? Il appartient à une grande famille politique, effectivement. Son père, Laurent-Olivier David, a été député, mais aussi journaliste, écrivain, sorte d'historien. Et c'est la constellation, si vous voulez, des libéraux modérés. On sait qu'il y a eu notamment Papineau, les Rouges, tous ces gens-là. Mais tranquillement, avec la montée de Wilfrid Laurier, on se retrouve devant un libéralisme plutôt modéré. Donc, il naît dans cette famille, dans ce milieu. Il côtoie dès sa jeunesse Wilfrid Laurier et il a... en quelque sorte, donc, l'occasion de le voir à l'œuvre. Et c'est ce qui crée, en quelque sorte, les conditions de sa propre présence en politique. Donc, fils d'un député, il épouse la fille d'un politicien. Quand je dis, là, il y a vraiment une petite famille, un petit milieu politique, c'est vraiment de ça dont on parle. Exactement. Il va épouser Antonia Nantel, qui est la fille de Guillaume-Alphonse Nantel, qui est un député. Ça, c'est important. On va y revenir. Mais la présence, donc, des Laurentides, hein, Guillaume-Alphonse Nantel, était député de Terrebonne. C'est le comté, d'ailleurs, que représentera Athanase David plus tard. Donc, c'est un milieu dans lequel il baigne et, effectivement, tout se dessine, donc, pour la politique. Et puis, on y reviendra à la fin de l'émission, mais on peut tout de suite le dire. Je vous disais, c'est une famille politique. Ses petites filles, Françoise et Hélène David, vont, évidemment, plus tard aussi être elles-mêmes dans l'action politique. Revenons à Athanase David. En 1916, donc, c'est à ce moment-là qu'il est élu pour une première fois, Jonathan Livernois. Comment il en vient à décider de faire le saut, là, mais concrètement, en politique active? Puis à quoi va ressembler son parcours politique? Oui, bien d'abord, le parcours d'Athanase David, les premières années sont tout à fait représentatives du milieu canadien-français libéral, hein, à la fin du 19e au début du 20e. Il va donc fréquenter le Collège classique, notamment Mont-Saint-Louis, le Collège Sainte-Marie à Montréal. D'ailleurs, il aura un condisciple du nom d'Émile Nelligan, hein, il va souvent le rappeler. Hein. Quand il fera ses grandes mesures, il se souviendra du pauvre Émile Nelligan qui avait déjà l'air un peu triste dans sa figure de poète. Il y reviendra souvent. Mais donc, il fréquente ce milieu et comme la plupart des jeunes Canadiens-Français qui choisissent ou bien la médecine, ou bien le notariat, ou bien le droit, ben de son côté, c'est le droit, c'est la faculté de l'Université de Montréal. À l'époque, c'est l'Université Laval à Montréal. Et il devient donc avocat officiellement en 1905. Il pratique quelques années, mais va effectivement glisser assez rapidement vers la politique. C'est tout à fait normal. Oui. Donc, on le retrouve en 1916. Il est élu dans la circonscription de Terrebonne. À l'époque, il faut bien le dire, Terrebonne, hein, c'est bon, encore maintenant, c'est une banlieue très populeuse. Mais à l'époque, c'est un comté extrêmement grand qui va très, très loin dans les Laurentides. Donc, il comprend toutes les Laurentides. Et donc, il représente ce grand comté. Et il est apprécié. Hein, il est réélu en 1919, en 1923, en 1927 et en 1931 et, encore une fois, en 1935. Et puis, c'est assez amusant parce que cette dernière élection, il l'a emporté par une voix. Hein, ça, c'est tout à fait particulier. Imaginez-vous que son adversaire dans Terrebonne, en 1935, avait contesté le résultat. On avait donc regardé les bulletins de vote, on avait révisé les bulletins de vote, on s'était rendu compte que tous les bulletins de vote étaient non conformes à cause d'une erreur de l'imprimerie. Donc, ce qu'on a fait, on a dû tout annuler et c'est le directeur du scrutin qui a dû voter. Son vote a été décisif, donc Athanase David, 1, son adversaire de l'Union nationale, 0. Donc, incroyable. Finalement, oui, on va beaucoup se moquer de lui d'ailleurs avec ça en 1935, mais bon, il est là quand même et pendant de nombreuses années, représente le comté de Terrebonne. Oui, on comprend bien avec ce que vous venez de nous décrire que l'élection de 1935, c'est un contexte assez particulier en soi. Et en 1936, il y aura une autre élection et cette fois-là, Athanase David décide de ne pas se présenter aux élections de 1936. Pourquoi? Bien, vous savez, l'élection de 35 dont je viens de parler, les libéraux passent très, très près de perdre le pouvoir. Hein. Ils sont presque minoritaires. Et il y a une usure certaine. Vous savez, les libéraux sont au pouvoir, dans le siège justement de Laurier dont je parlais, sont au pouvoir depuis 1897. Ça fait 39 ans que les libéraux sont au pouvoir. C'est la crise économique. Ça va pas très bien. Et on se doute bien que c'est la fin du régime. Athanase David est associé, en quelque sorte, donc à ce régime, puisqu'il est ministre, on le verra tantôt, à partir de 1919. Donc, il est dans les meubles, pour ainsi dire. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que Taschereau, à un moment donné, va se rendre compte qu'il ne peut plus rien faire. Il est trop faible devant l'opposition de plus en plus forte, Maurice Duplessis en l'occurrence. Donc, démissionne et cède les rênes du pouvoir à Adélard Godbout pour quelques semaines, dans le temps de déclencher des élections. Mais, à ce moment-là, Adélard Godbout veut évidemment se dégager de tout le passé. Donc, va écarter les anciens ministres de Taschereau. Hein, pour prendre ses distances, évidemment, avec le premier ministre déchu. Oui. Évidemment, on se doute bien qu'Athanase David, qui emmène large au gouvernement depuis 1919, ne le prend pas très bien et va effectivement se retirer, ne se représentera pas en 1936. Pas de mauvaise chose en soi, puisque l'Union nationale va balayer les libéraux et même le comté de Terrebonne va passer aux mains de l'Union nationale. Oui, peut-être avait-il senti que c'était vraiment la fin d'une ère, d'un régime, parce qu'il y avait eu... Duplessis, on se souvient, les comptes publics avaient vraiment fait un procès en bonne et due forme à l'ère au gouvernement Taschereau de l'époque. Cela dit, il décide de se représenter à l'élection de 1939 et de fait, il est élu, il est réélu, donc, avec le retour au pouvoir des libéraux. Mais encore une fois, Adélard Godbout ne lui offre pas ce qu'il veut, ce qui fait qu'il va finir par se retrouver au Sénat à Ottawa, Jonathan Livernois. Racontez-nous un peu les coulisses de cet épisode-là. Bien, vous savez, à l'époque, hein, Jean-Charles Bonenfant, qui a été historien bibliothécaire, connaissait bien le parlementarisme québécois, disait qu'au milieu du 20e siècle, hein, le politicien est un bourgeois d'une certaine aisance, ayant de préférence une formation juridique, se faisant élire à la Chambre basse pour mourir plus tard, conseiller législatif, sénateur ou juge. Bien, c'est un peu, hein, c'est un peu à la blague, mais c'est ce qui va se passer ici. Oui. Alors, en 1939, donc, visiblement, Athanase David a le pif, le Parti libéral est réélu assez facilement, ils prennent leur revanche, et l'Union nationale est complètement écrasée. Il est lui-même, Athanase David, réélu dans Terrebonne, donc en 1939, et Évidemment, ce n'est pas le ministre de Taschereau qui a été le plus mêlé, disons, de différents scandales. Il était très apprécié des deux côtés de la Chambre. On le voyait comme il y avait une certaine prestance, il y avait un prestige associé à cet homme. Mais dans les faits, il appartient à cet ancien régime. Donc, on ne veut pas le mettre de l'avant quand Adélard Godbout donc, prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui offrir la présidence de l'Assemblée législative. On dit à l'époque « orateur ». Oui. Il n'est pas très heureux de ça, évidemment. C'est une démotion, très clairement. Il l'accepte, semble-t-il, à contre-cœur. Mais, vous savez, donc je le disais un instant avec ce que disait justement Jean-Charles Bonenfant, ben, on va trouver un compromis honorable et Athanase David va finir ses jours comme sénateur de la division de Sorel. Il est nommé par Mackenzie King en 1939, donc jusqu'à sa mort en 1953. Donc, c'est un peu la façon de régler ce problème. C'est épine dans le pied, disons, du gouvernement Godbout. Donc, voilà pour la fin. Fin honorable, nous disiez-vous, certainement, effectivement. Parlons maintenant un petit peu du legs qu'il nous laisse comme politicien actif. Ça a été pendant plus de 15 ans, il a été secrétaire de la province. Donc, c'est un poste qui n'existe plus, mais qui était très important à l'époque. Il emmenait large dans ce gouvernement Taschereau, dans ces gouvernements Taschereau de l'époque. Pour qu'on comprenne bien l'importance de ce poste-là, rappelez-nous ce que faisait Jonathan Livernois, le secrétaire de la province, à l'époque où Athanase David a occupé ce poste-là. Oui, c'est un ministère qui a été créé avec la Confédération en 1867 et qui est disparu en 1970. Qu'est-ce que c'est? Bien, grosso modo, c'est un ministère des causes ou des sujets oubliés. Donc, à l'époque, on le sait, hein, il n'y a pas de ministère de la Culture sous David, il n'y a pas de ministère de la Santé dans les années 30 et il n'y a pas non plus de ministère de l'Éducation. Donc, l'époque est faite, hein, le filet social est à grosse maille, pourrait-on dire. Et l'État exerce surtout une espèce de pouvoir judiciaire. Donc, il faut attendre les années 60 pour voir justement ces ministères naître. Mais le secrétariat de la province s'occupe autant que faire se peut de ces différents domaines, donc autant la santé publique que la culture, que l'éducation. Donc on voit l'immense territoire que couvre la tâche d'Athanase David, même si dans les faits, on le sait bien, l'éducation et la santé sont largement... c'est le clergé, évidemment, qui s'en occupe très largement. Ouais, voilà. Donc, le ministre, au fond, qui s'occupe des secteurs qu'on a, entre guillemets, sous-traités à l'Église, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et puis, il doit gérer toutes sortes de choses, évidemment. C'est très clair. Il y a un des dossiers, ça l'a dit, on comprend que c'est l'Église qui s'occupe de l'éducation et de la santé, mais en santé, il y aura, dans les années où Athanase David est secrétaire de la province, les années 30, il y a un énorme problème, on l'oublie avec le temps, un énorme problème au Québec, la tuberculose. Ça va être un dossier vraiment très, très important qu'il devra gérer. Il va beaucoup s'occuper, effectivement, de la santé publique, de l'hygiène hein, des Canadiens français. On le sait, c'est horrible. Hein. Chaque année, dans les années 20, environ 3 000 personnes meurent de la tuberculose. Le taux de mortalité infantile est effroyable. Il se situe autour de 100 décès par 1 000 naissances vivantes. C'est énorme. C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, évidemment, plus la crise avance, nous sommes dans les années 20, 30, l'État doit se mêler autant que faire se peut, hein, doit prendre en main certaines choses. Et la lutte contre, justement, les maladies infectieuses devient un des chevaux de bataille d'Athanase David qui va s'y consacrer réellement. On peut noter peut-être la chose la plus importante, c'est le développement de ce qu'on appelait les unités sanitaires rurales, oui. Inspirées de ce qui se faisait aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce sera financé ici au Québec par la Fondation Rockefeller des États-Unis. Donc, on va aller chercher un peu de privé, évidemment, pour nous aider. Qu'est-ce que c'est que ces unités? Bien, c'est un lieu où on fait des conférences, on fait du dépistage, on parle d'éducation, on parle de vaccination. Donc, à partir de 1926, vont se développer ces unités, notamment les premières à Beauceville, donc on est vraiment en région, Saint-Jean-sur-Richelieu et au Lac-Saint-Jean. Ça va se développer pendant plusieurs années et ça va avoir un impact réel sur la santé des Canadiens français. Et c'est vraiment quelque chose qui va être notable et les adversaires de David vont reconnaître ce grand mérite, vont lui reconnaître ce grand mérite. Mais c'est dans le secteur de la culture, on y revient, Jonathan Livernois, où Athanase David vraiment nous laisse son plus important héritage. Comment décrire cet héritage-là? Bien, c'est énorme. À l'époque, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est le régime de l'arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est qu'il y a des programmes d'aide aux écrivains. Donc, on va acheter des livres. Donc, le gouvernement, il va directement comme ça, va parfois donner des sinécures à des écrivains dans le besoin, mais il n'y a pas de politique culturelle englobante, dirais-je. C'est vraiment celui qui pose les bases de la politique culturelle québécoise. Donc, David se lance à partir de 1919 dans une série de mesures qu'on peut rapidement évoquer. Hein. Ouais. En 1920, par exemple, ça va exister jusqu'en 1959, on distribue les fameuses bourses d'Europe. Qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, on dit à des gens, allez vous former en Europe. On veut que vous reveniez et que vous puissiez justement contribuer à l'avancement du Canada français. Ouais. On envoie toutes sortes de gens, des noms qu'on connaît. Jean de Lapointe, Maurice Sauvé, le futur politicien, Hubert Aquin, Alfred Pellan, André Mathieu, le musicien, Jean Papineau Couture, le compositeur. Donc, tous ces gens vont se former en Europe et revenir. Donc, ça, c'est très important. Autre chose, c'est la création d'une école des beaux-arts. Donc, ouais. Une à Québec, une à Montréal et... Vous savez, dans l'extrait du tout début, là, on entendait Fernand Hervé parler de l'espèce de, comment dire, de passion d'Athanase David pour la France. Bien, il va aller chercher lui-même des directeurs français pour diriger ces écoles. Autre chose très importante, c'est ce qu'on appelle le Musée de la province, l'actuel Musée national des beaux-arts, qui est fondé donc en 1922, qui va ouvrir ses portes en 1933. Donc, un lieu où on va créer une sorte de fonds culturel québécois, avec des œuvres québécoises. Bon, évidemment, on n'est pas beaucoup dans l'art contemporain, on est dans l'art classique, voire pompier par moment, mais quand même, il y a une volonté là de créer un fonds commun au Canada français. Les bases, comme vous disiez, les grandes institutions culturelles, les archives, la Commission des monuments historiques, c'est vraiment lui qui pose ça, d'où cette appellation, là, ministre de la Culture avant la lettre. La politique culturelle québécoise, c'est avec lui que ça commence à s'articuler. Il faut dire aussi que s'il fait beaucoup de choses pour la culture comme secrétaire général de la province, il est passionné de culture lui-même et ça se reflète dans sa vie personnelle. Sa femme, Antonia Nantel, va aussi être de cette aventure-là. Ensemble, ils vont créer la Société des concerts symphoniques de Montréal qui va devenir éventuellement l'OSM. On écoute à ce propos, justement, Marcel Valois, qui rappelle un peu le contexte dans lequel va naître cet orchestre francophone au micro de Jean Deschamps à l'émission La musique à Montréal de 1920 à 1950, diffusée à notre antenne en 1974. Monsieur Valois, bonsoir. Bonjour, monsieur Deschamps. La semaine dernière, vous nous avez quittés alors sur un grand suspense. Oui, c'est que monsieur Douglas Clark, avec le Montreal Orchestra, qui donnait des concerts et très suivi, a eu une surprise. Il s'est trouvé en face d'un rival. Un nouvel orchestre. À l'automne de 1933, le secrétaire de la province, l'honorable Athanase David, sur les épaules de qui reposait l'éducation et les arts en même temps. C'était la politique du temps qui le voulait. Oui, c'était un monsieur important au gouvernement du Québec. Et c'était un homme de culture, un homme de grande personnalité, d'ailleurs. Eh bien, Mme Athanase David, son épouse, qui était une fervente des concerts, était dans le bureau de direction du Montreal Orchestra. Elle a fait une politesse. Mais comme M. Clark ne voulait pas céder son pupitre à personne, et qu'on faisait entendre surtout de la musique anglaise, qu'il y avait des Canadiens français dans la salle, mais pas en majorité, et ils se sont dit, il est temps de former un orchestre pour les Canadiens français et par les Canadiens français. Alors, ça a été la grande cassure. C'était en quelle année, ça, M. Valois? C'était à l'automne de 33, et le premier concert a eu lieu en janvier 34. Donc, on l'entend bien dans cet extrait, Jonathan Livernois, la culture vraiment est une préoccupation par Athanase David. C'est vrai comme politicien, mais c'est vrai aussi sur le plan plus personnel, dans sa vie personnelle. Parlez-moi un peu de cette dimension-là, la place qu'occupe pour lui la culture et les artistes dans sa vie personnelle. Effectivement, Athanase David est un lettré, est un esthète même, pourrait-on dire. Et il fréquente des milieux artistiques, intellectuels importants. Hein. Il fréquente des gens comme Édouard Montpetit, hein, l'économiste, Wilfrid Pelletier, le chef d'orchestre, Suzor Côté, le peintre, on pense aussi évidemment à Alfred Laliberté. Bref, il est dans ce milieu et, comme on vient de l'entendre dans l'extrait, il est aussi très intéressé par la question de la musique classique. Donc, il va s'employer avec sa femme à créer la Société des concerts symphoniques de Montréal, qui va devenir l'OSM. Pour lui, il était très, très important que les gens, les Canadiens français, puissent entendre de la musique classique de qualité. Donc, assez rapidement, Wilfrid Pelletier sera le nouveau directeur de cette société symphonique. Autre intérêt d'Athanase David, peut-être un peu moins connu, son intérêt pour le sport. Entre 1923 et 1935, il est président du club de hockey Les Canadiens de Montréal, Jonathan Livernois. Oui, c'est un peu étonnant, mais en même temps, on sait que dans ses conférences comme secrétaire provincial, Athanase David insistait beaucoup sur l'importance du sport, de l'esprit saint dans un corps saint, comme on le dit habituellement. Mais oui, aussi le sport professionnel. Donc, les Canadiens de Montréal, pendant quelques temps, d'ailleurs, il sera là pendant quelques Coupes Stanley. Mais on sait aussi qu'il a été présent dans le retour de l'équipe, hein, les Royaux de Montréal, hein, qui est une équipe de la Ligue internationale de baseball, 3A, qui avait quitté Montréal en 1917. Cette équipe revient en 1928 parce qu'il participe à un groupe d'investisseurs qui, justement, réussissent à ramener l'équipe. Et encore plus intéressant, il sera aux commandes de la construction ultra rapide en quelques mois du stade de Lerimier, hein, donc en 1928, qu'on retrouvait dans Centre-Sud, hein, jusqu'à cette démolition en 1965. Donc, très présent aussi dans cette dimension. Il ne faut pas le manquer, effectivement. On termine cette émission en revenant sur ce qui reste vraiment probablement la trace la plus tangible de son héritage, le prix Athanase David. J'invite Mme Hélène Dorion, lauréate du prix Athanase David, à s'approcher. Le prix David, c'est d'une certaine manière la plus ancienne récompense littéraire du gouvernement du Québec, et c'est la plus nouvelle aussi. C'est la plus ancienne parce que, en 1922, Athanase David, qui était secrétaire de la province, a décidé de demander l'adoption d'une loi créant un prix littéraire et scientifique. Et parce que c'était Athanase David qui l'avait créé, on a décidé d'appeler ce prix-là le prix David. Mais, en fait, il ne s'appelait pas le prix David, c'était le prix du gouvernement du Québec, tout simplement. Et pendant, de 1922 jusqu'à 1964, il y a des gens qui ont gagné un prix qu'on a appelé le prix David, mais en réalité, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, il y avait un prix, mais ce n'était pas le prix David. Le prix David n'a été créé officiellement qu'en 1966. Claude Paulette, du ministère de la Culture, à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1970. Terminons cette émission, Jonathan Livernois, en parlant de l'héritage que nous laisse aujourd'hui Athanase David. Le prix, évidemment, qui est peut-être la trace la plus tangible de cet héritage-là, mais il y a plus que ça. Bon, effectivement, il y a beaucoup plus, mais déjà, le prix, c'est très important. Donc, créé en 1922, ce prix récompense chaque année un auteur ou une autrice. Avec le temps, donc, le prix va devenir aussi un prix scientifique. On rend hommage par le nom même, non pas à Athanase, mais à Laurent Olivier, son père. Finalement, bon, après plusieurs années, toutes sortes de changements, on l'entend bien dans la conversation, dans l'extrait que vous avez, ça devient le prix Athanase David, tel qu'on le connaît, dans les années 70. Donc, il y a ça, mais il y a également un héritage géographique, si je puis dire. Hein, dans les Laurentides, on le sait, il y a un territoire qui s'appelle Sainte-Agathe, une ville qui s'appelle Sainte-Agathe, une partie de cette ville va se séparer en 1921, va prendre le nom de Val-David, en hommage, cette fois, à Athanase et à Laurent-Olivier David. Il y a aussi, vous le savez, un pavillon de l'UQAM, mais je pense que l'héritage le plus important, c'est la famille David. Donc, le fils David, Paul David, grand cardiologue, sera aussi sénateur. Les enfants de Paul David, en tout cas deux de ses filles, Françoise David, qui sera de Québec solidaire, et Hélène David, qui sera du Parti libéral, mais aussi ministre de la Culture, ben, ces deux femmes-là se retrouvent à l'Assemblée en même temps, 60 ans après leur grand-père. C'est un très beau clin d'œil, d'autant que Athanase David avait été un des premiers à défendre le droit des femmes à être admises au barreau en 1931, et ça prendra plusieurs années, évidemment, avant que ce soit possible. Alors, beau clin d'œil, effectivement. Jonathan Livernois, c'était comme toujours un bonheur de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Jacques Beauchamp. Plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.